chez nous. Ouais, c'est la zone pauvre qui mendie chez nous. Des petits comme des fauves, ouais, on grandit chez nous. À terre, on met pas le genou. C'est chez nous, c'est chelou, c'est chez nous, c'est chelou. Chez nous. Ouais, c'est la zone pauvre qui mendie chez nous. Des petits comme des fauves, ouais, on grandit chez nous. À terre, on met pas le genou. C'est chez nous, c'est chelou, c'est chez nous, c'est chelou. Je viens de là où la rue dès le département. 7-5-7-5, mon département. Appartement investi par la PJ. Les darons usés par le taf deviennent paraplégiques à la J. Ça parle braquage. Ça parle d'in, moi je me fous tout sur cette terre à part d'in. Je dis que la vérité est ailleurs. Juge l'homme à sa valeur et non son tailleur. Et d'ailleurs, viens par ici, femme vénale. Les tentations sont fortes, au final ça fait mal, infernal. Gosse de quartier en langage chartier. Politicien malhonnête qu'on rêve de châtier, de charcler. Les charclos dorment terre pas. Et les dépouilles dans la scène qu'on n'enterre pas, c'est ripa. La zermie, c'est vrai que certains la vivent. Sentiment d'insécurité comme à Tel Aviv. Chez nous. Ouais, c'est la zone pauvre qui mendie chez nous. Des petits comme des fauves, ouais, on grandit chez nous. À terre, on met pas le genou. C'est chez nous, c'est chelou, c'est chez nous, c'est chelou. Chez nous. Ouais, c'est la zone pauvre qui mendie chez nous. Des petits comme des fauves, ouais, on grandit chez nous. À terre, on met pas le genou. C'est chez nous, c'est chelou, c'est chez nous, c'est chelou. Pour un regard de travers, ça part en couille. Et les huissiers sous les factures, nos parents coulent. Je parle aux cousses, en connaissance de cause. Dis-moi pourquoi, pour nous africains, les portes sont closes. Ma cause, exterminer tous les colons qui nous formatent, teinture, string, mini-jupe, collant. Affolant, dis-leur que 1 fait 1 et non 3. L'enfer pour un homme pieux, un nom de non-droit. On se doit de faire en sorte d'être moins maladroit. Je suis d'un endroit où tu vois le mal à croix, ça croit. Sac à la porte, plus de toxico. Le monde est laid, je sais, ça changera pas de sitôt. Ok, toi tu croyais avoir un tas d'amis, mais c'est souvent plus proche qui t'a mis sur le tatami. Et ouais, l'ami, c'est sans bouée seul que je nage. Tant de choses à dire, malgré mon jeune âge. Chez nous. Ouais, c'est la zone pauvre qui mendie chez nous. Des petits comme des fauves, ouais, on grandit chez nous. À terre, on met pas le genou. C'est chez nous, c'est chelou, c'est chez nous, c'est chelou. Chez nous. Ouais, c'est la zone pauvre qui mendie chez nous. Des petits comme des fauves, ouais, on grandit chez nous. À terre, on met pas le genou. C'est chez nous, c'est chelou, c'est chez nous, c'est chelou. Chez nous. Ouais, c'est la zone pauvre qui mendie chez nous. Des petits comme des fauves, ouais, on grandit chez nous. À terre, on met pas le genou. C'est chez nous, c'est chelou, c'est chez nous, c'est chelou. Ouais, va faire un tour chez nous. C'est chelou, rue crade. Bâtiment délabré, c'est ça, c'est la zone. Vas-y, viens faire un tour chez nous. Vas-y, viens dans mon monde, c'est ça, hein. MC Ricta.